Où donc est Sakia, cœur chaste et trop sublime, qui saigna pour tout être et dit la bonne loi? Et Jésus, triste et doux, qui douta de la foi dont il avait vécu, dont il mourait victime? Tous ceux qui sur l'énigme atroce ont sangloté, où leurs livres s'en font, ainsi que la démence? Oh, que d'obscurs aussi, Seigneur, est en silence. Mais dors, c'est bien fini, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.